Cancer et conscience, c'est le titre de l'enregistrement présent, produit au mois d'octobre de l'année 2023. Donc, comme par rapport à tous les enregistrements que je peux produire au fil du temps, la petite mise en garde que je fais, c'est de dire aux gens de ne pas croire ce que je dis, de vérifier par vous-même là, si les propos tenus sont réels. Donc, je regarde qu'est-ce que ça me dit par rapport au cancer. Bon, le cancer est le fruit de mutations cellulaires anarchiques. Et le cancer est en relation avec les perturbations, entre autres, du fonctionnement de l'organisme par l'environnement. Prenons par exemple quelqu'un qui est exposé à des radiations en grande quantité provenant de l'énergie nucléaire. Ce que ça me dit aussi, c'est... la pollution, l'exposition à des produits chimiques peuvent perturber le fonctionnement normal des cellules, des organes, ce qui peut créer une tension, un stress au niveau de la cellule qui peut en générer un cancer. Donc, il y a des cancers qui sont liés dans la relation entre l'individu et son environnement qui vont être occasionnés par cela. Mais il y a des cancers aussi qui sont organisés dans la dynamique entre la psyché de l'individu et son corps physique. Et le cancer peut être en relation avec des stress au niveau psychologique qui sont vécus, qui, dans le cadre de problèmes de santé de nature psychosomatique, vont se somatiser dans l'organisme et donner place à des cancers, dans le sens que la pensée que reçoit l'individu dans la manière qui est traitée par l'ego, si l'ego réfléchit ou non la pensée, si l'émotion, c'est sûr, si quelqu'un reçoit des pensées puis tout le temps triste, puis à un moment donné, l'ego, ça peut nuire à la santé de son corps biologique, dans le sens que si l'ego vient à un état de dépression, ça se peut que son système immunitaire soit plus faible, moins grande combativité, moins grande capacité aussi à son organisme de dépister les cellules anormales et de les éliminer. Donc, à ce moment-là, ça peut amener une prolifération des cellules anormales. Donc, il y a multiples causes par rapport au cancer. La science actuelle va mettre beaucoup l'emphase dans l'optique du dévoilement là, des causes liées à l'environnement. Par exemple, s'il y a les gens qui sont exposés à des produits chimiques forts, ça peut perturber l'organisme, les gens dans le domaine de l'industrie nucléaire, qui travaillent des centrales nucléaires, ils ont des protocoles de protection adoptés dans le cadre de leur travail pour éviter la contamination liée aux radiations. La psychologie actuelle va tenir compte aussi de la variation subjective par rapport à l'ego, dans le sens que l'ego qui vit une forme de stress sur le plan psychologique, stress qui peut être généré par le travail, peut être généré par la suite par rapport à des problèmes relationnels, ça peut avoir une incidence naturellement sur l'état de santé cellulaire. Mais la science actuelle n'a pas encore une compréhension multidimensionnelle de l'être humain et du rapport de l'esprit avec l'être humain. Et là, ce qui peut devenir tordu, c'est que si l'esprit, la contrepartie cosmique de l'individu, évalue que... c'est délicat, là, ce que je veux dire. Si l'esprit évalue que l'individu doit subir un choc pour le faire évoluer, quitte à ce que le choc vécu et intégré au niveau énergétique sur le plan cellulaire lui occasionne un cancer, ben ça se peut que l'esprit laisse l'événement à caractère évolutif se produire, même si c'est au détriment de l'ego. Le but de l'esprit, c'est que l'ego évolue. C'est pas que l'ego soit en pleine santé. L'esprit a plus intérêt à œuvrer ou à travailler qu'un ego qui est en état d'ouverture. Or, malheureusement, ça c'est moi qui le réfléchis, mais souvent l'ego qui va être en position d'ouverture, ça va être un ego qui a une défaillance au niveau de la santé, défaillance financière, relationnelle, etc., qui fait que il peut pas être rigide, il peut pas être en puissance. Habituellement, l'ego qui est appelé à changer, ben ça prend des chocs, puis un des chocs, ça peut être développer un cancer. Est-ce que le cancer peut servir l'évolution de conscience d'une personne? Certainement. Tout peut servir par rapport à ça. Est-ce que le but de l'esprit, c'est que l'individu qui est atteint d'un cancer guérisse? Pas nécessairement. Le but de l'esprit, c'est de véhiculer de l'énergie, c'est ajuster les corps de l'ego. Est-ce que l'esprit peut faire interférence sur la vie de l'individu, puis les chocs énergétiques qu'il occasionne dans sa vie amènent le développement d'un cancer? Certainement. Est-ce qu'il y a des cancers qui échappent à la volonté de l'ego, dans le sens qu'on peut dire, ben, si quelqu'un développe un cancer lié, par exemple, à boire trop d'alcool, au niveau du foie, lié au poumon parce qu'il fume la cigarette, etc. Bon, il part des variables sur lesquelles l'ego a un pouvoir d'agir, mais est-ce qu'il y a des variables qui échappent à l'ego? La réponse, c'est oui. Le but de l'esprit, c'est pas que l'ego soit en santé à tout prix, mais que l'ego évolue. Et si le cancer ou d'autres problèmes de santé, en fait, ça pourrait être n'importe quel de santé, amène l'ego à changer vibratoirement, puis à être mis au pied du mur pour apporter des changements significatifs dans sa vie. Donc, changer un second niveau. Puis à ce moment-là, le fait que la personne a un cancer peut servir un agenda évolutif. Mais est-ce que c'est tous les types de cancers que les gens vivent? En fait, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un vit un cancer, c'est en relation avec un agenda évolutif, en relation avec la fusion d'un individu par rapport à l'esprit? La réponse est non. Parce que comme mentionné tantôt, il y a des cancers qui sont en relation avec le rapport de l'individu avec un environnement externe toxique. La conséquence de tout ça, c'est pas lié à une tension énergétique, une tension vibratoire constante qui va amener un stress au niveau des cellules. Et le stress vécu au niveau cellulaire va être en relation avec une faille, entre autres, de l'organisme. Est-ce que le processus de transmutation énergétique d'un ego qui passe de la conscience planétaire à la conscience cosmique pourrait ou peut amener à ce qu'il y ait un cancer? La réponse, c'est oui. Donc, le cancer n'est pas nécessairement le produit d'un état d'inconscience. En fait, le cancer peut être le produit de l'activité de la surconscience au sein de l'individu. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes en contact avec des gens dans votre environnement qui sont atteints du cancer, ou si vous-même vous développez un cancer, ce que ça me dit, ben, c'est ça, faites attention pour ne pas être dans le jugement. T'sais, pas dire, ben, quelqu'un développe un cancer, c'est parce qu'il y a des mauvaises habitudes de vie. Il y a des mauvaises habitudes alimentaires, il mange trop de nourriture transformée, il fume trop de cigarettes, il boit trop d'alcool. C'est pas nécessairement le cas. Il y a plusieurs variables. Certes, il y a des facteurs que la science actuelle a identifiés qui peuvent avoir une incidence, mais la compréhension présentement par les scientifiques de l'époque présente du cancer n'est pas multidimensionnelle, ce qui fait en sorte que les traitements pour guérir, dans l'optique du guérir le cancer, sont pas à 100% efficaces. Pourquoi ils ne sont pas à 100% efficaces? C'est que les gens qui font les traitements ne vont pas nécessairement traiter simultanément la dimension psychique de l'individu, la dimension vibratoire. Puis, si un être initié avec une conscience supramentale qui pratique la médecine, qui est en contact avec une autre personne qui est atteinte du cancer, ce qui devrait guider ou non le type de traitement qu'il va faire, ou même s'il fait un traitement, c'est sa communication intra-psychique. Et c'est sûr qu'il y aurait un problème éthique, là, dans le sens que un individu qui a une conscience vibratoire est régi par des lois d'énergie, par-delà la forme, donc par-delà le code de déontologie du Collège des médecins, c'est-à-dire, comme par exemple ici au Québec puis dans les pays occidentaux, habituellement, les activités réservées aux médecins sont régies par un code professionnel qui va déterminer les actes qui peuvent être faits ou d'autres. Et lorsqu'un médecin prête le serment d'Hippocrate, faut pas qu'il soit hypocrite, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit... le serment vise à préserver la vie. Bon, ben, si le serment, si le médecin porte un serment d'Hippocrate, puis son but, c'est de préserver la vie, puis il rencontre un patient dans son cabinet, dans son bureau, puis ça lui dit intérieurement que ce patient-là, il a pas intérêt de guérir présentement du cancer, parce que le fait qu'il soit atteint du cancer l'amène à changer, à être plus malléable en tant qu'ego, à être plus ouvert à d'autres idées, puis à être moins rigide. Donc, à ce moment-là, la personne qui a prêté serment pour préserver la santé à tout prix, bon, bien, s'il fait un traitement est efficace, puis la personne guérit, bien, la personne n'aura pas intégré ce qu'elle avait intégré en continuant de vivre le problème de santé. Donc, quelqu'un qui a une conscience vibratoire ne ferait pas nécessairement un traitement unilatéral, c'est-à-dire systématique de tous les problèmes de santé. Dans certains cas, il rencontrerait des gens en cabinet de consultation qui puis leur dirait ben, dans votre cas, oui, je vais vous accompagner pour traiter votre maladie, d'autres non. Et là, c'est sûr que ça devient extrêmement délicat. Dans le fond, la personne qui aurait une conscience vibratoire puis qui aurait à pratiquer en suivant la vibration de l'esprit, dans le contexte actuel, elle ne pourrait pas le faire ouvertement parce que le patient qui se ferait dire « ben toi, tu n'auras pas de soins parce que je n'ai pas la vibration », se sentirait lésé et pourrait tenter une poursuite là, contre lui. Et tout ça, ça serait très compréhensible. Il vient plusieurs éléments. C'est-à-dire que l'individu qui a une conscience vibratoire, il n'y a pas un mépris pour l'homme parce que là, le propos qui vient de mentionner, c'est que l'être humain prend... dans le fond, il va dans le sens, le médecin traitant des forces, dans l'exemple donné, dans ce que la personne qui est sensible aux êtres humains, il pourrait agir pour atténuer les souffrances, il pourrait être mis en vibration pour lui donner des explications sur la raison et la fonction du cancer dans sa vie, et s'il n'y aurait pas à le guérir, il pourrait y expliquer pourquoi. Puis là, il y aurait des nuances à apporter parce que ça se peut que ça ne soit pas guéri maintenant, mais dans quelques mois. Mais en même temps, si les mois passent, il y a des fortes probabilités qu'il y ait une multiplication des cellules cancérigènes qui s'opèrent au sein de l'organisme, qu'il y a des métastases un peu partout dans l'organisme. Puis après ça, ben c'est pas récupérable. C'est pas comme une masse qui est localisée là, à un endroit là, spécifique dans le corps. La personne est opérée, on y enlève ça. Puis merci, bonsoir. Dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas de cellules résiduelles. Quand que je parle du cancer, dans le fond, je regarde ce qui émerge dans mon mental. Puis j'ai plusieurs considérations. Ce que ça me dit, les traitements pour traiter le cancer dans les prochaines années vont se perfectionner. Ils vont intégrer davantage de technologies. L'intelligence artificielle va servir, entre autres, à détecter avec de plus en plus de précision la présence de masse ou de micromasse ou de même de petites cellules cancérigènes et infinitales au sein de l'organisme. Les traitements vont s'améliorer avec le temps. Mais en même temps, la conscience de l'être humain va s'améliorer puis va s'élargir, donc avoir une plus grande compréhension. D'ailleurs, la dimension émotionnelle qui a une incidence sur le cancer, en plus de prendre en considération la dimension des prédispositions génétiques, va être de plus en plus pris en conséquence, sauf que la dimension physique avec... le bagage génétique que la personne a hérité de ses parents, combiné à sa façon de gérer les émotions, c'est deux variables, mais il y en a d'autres. Il y a la relation que vit la personne avec l'esprit. Et l'être humain aussi doit réaliser que c'est pas parce que, par exemple, un initié a un problème de santé chronique grave ou que la personne a un cancer que finalement la personne n'est pas totalement consciente. La personne, sur le plan psychique, peut être très lucide tout en vivant la maladie, voire en mourissant. Et là, il y a des gens qui vont me dire, ben là, à quoi ça sert de se conscientiser si finalement on peut se ramasser à développer des problèmes de santé graves, comme par exemple le cancer? En fait, le but de la conscientisation, fondamentalement au niveau supramental, pas au niveau spirituel, parce que des gens dans le domaine de la spiritualité, leur but c'est de devenir des guérisseurs et de s'auto-guérir. Mais le but de le développement de la conscience sur le plan supramental, c'est une altération énergétique de l'ego pour en faire un contenant plus vaste, étant réceptacle d'une énergie plus dense que celle qui provient du plan astral mémoriel, et que la personne ait accès à une conscience revitalisée, transfigurée, qui a une plus grande contenance énergétique. Et si le cancer peut l'amener à développer une plus grande contenance énergétique à un individu donné, de neutraliser certaines peurs, comme par exemple, ça peut paraître bête, mais le fait d'avoir une maladie grave, puis d'être capable de composer avec cette tension énergétique tout en ayant un mental avec la paix de l'esprit, ça peut apparaître comme étant un tour de force. Ben, ça l'est à un certain niveau. Est-ce que c'est tout le monde qui a à vivre ça? Pas du tout. La conscience supramentale, c'est pas tout le monde qui a à vivre. Dans certains cas, ça passe par différents chocs de vie. Le cancer peut être l'un d'entre eux, qui amène des changements significatifs, rapides, expéditifs. Et le fait que, par exemple, quelqu'un qui est atteint d'un cancer, ça crée une tension qui amène la personne à bouger. Si c'est une personne qui est très passive, ça peut casser rapidement son inertie, parce que la personne qui est consciente que si le cancer n'est pas pris en temps, il va se répandre dans l'ensemble de l'organisme, il est obligé de bouger s'il veut continuer à vivre sur le plan physique. S'il y a à vivre sur le plan physique aussi. Le but de l'esprit, c'est pas de surprotéger l'être humain, c'est pas de l'épargner des maladies, des problèmes. Si je fais l'étude maintenant par rapport au cancer de son origine, en fait, même avant l'activité humaine, parce que présentement, on dit que bon, il y a beaucoup de cancers qui sont liés à la pollution atmosphérique, à la pollution dans l'eau, l'air, la terre, tous les éléments qui sont pollués en lien avec l'activité humaine industrielle. Certes, ça a une incidence, ça crée des tensions. Même chose par rapport à la présence d'éléments radioactifs dans l'environnement liés, entre autres, à des essais de bombes nucléaires, à l'activité de centrales nucléaires. Certes, ça a des incidences, mais même avant l'activité humaine, il y avait déjà des cancers. Ce que ça me dit, c'est que c'est en relation avec les rapports de médiation en différentes instances. Il y a des rapports intracellulaires qui sont faits en relation. Tout est interrelié, en fait. Ce que ça me dit, c'est de regarder l'être humain comme étant un système où ce que tout ce qui est très petit peut influencer ce qui est plus gros, comme par exemple, ou ce qui est invisible ou subtil. Prenons par exemple Une pensée va influencer le fonctionnement des neurones du cerveau, l'activité électrique, l'activité ensuite émotionnelle, la sécrétion d'hormones comme le cortisol, etc. Et la situation physique, prenons par exemple l'ego qui prend conscience qu'il est atteint du cancer, ça va avoir une incidence par la suite sur sa pensée. À savoir s'il se réfléchit ou réfléchit pas. Est-ce qu'il vit de la tristesse? Est-ce qu'il vit du désespoir? Est-ce qu'il vit de la colère? Est-ce qu'il a passé à travers un processus de deuil par rapport à ça qui va l'amener éventuellement à accepter sa condition? Comment que l'ego compose avec la charge énergétique que représente toute la pensée puis la peur qu'il peut vivre par rapport à la maladie? Mais en fait, ce qui me vient en tête, c'est que le cancer doit. C'est quelque chose que l'individu qui a une sensibilité qui peut communiquer, que l'esprit peut aborder d'une manière impersonnelle avec lui. L'individu peut demander des explications, bon, que ce soit par rapport au cancer, mais ça peut être d'autres problèmes de santé. Pourquoi qu'il y a ça? Pourquoi que ça maintenant plutôt qu'un autre moment? Puis regarde c'est quoi les explications qui émergent. Puis l'ego à voir s'y ajuster son comportement. Dans certains cas, il y a des égos qui, par rapport à un cancer, bon, ils arrêtent de fumer, ils arrêtent de boire de l'alcool, ils font plus d'activités physiques. La personne qui a trop absorbé une grande quantité de radiation en travaillant dans l'industrie liée au nucléaire, ben ça se peut qu'elle faut qu'elle fasse autre chose. Ou que la personne vit trop de stress au travail, trop de tension. Elle doit réorganiser sa vie en lien avec ça. Donc, dans certains cas, il y a des ajustements qui sont faits qui amènent la personne à retrouver la santé. D'autres, non. Ça dépend. Ce que ça me dit intérieurement, la priorité de l'ego devrait être en adéquation avec lui-même en tant qu'esprit. Plutôt que vivre seulement avec le désir d'être en santé. Ou d'avoir un corps physique en santé. Chercher la santé à tout prix peut être une forme d'enlisement de l'ego par rapport à du mémoriel, à du désir. Puis ça amène, dans certains cas, un statu quo psychologique de l'ego à se maintenir dans le temps d'une manière qui va à l'encontre de l'évolution. Donc, si, par exemple, les gens aujourd'hui auraient accès à toute la technologie pour se guérir du cancer quand ils veulent, ou avoir des corps physiques qui pourraient rendre immortels en fonction de leur subjectivité, alors que leur ego est coloré puis astralisé, ça pourrait donner place à des monstruosités, dans le sens que des individus très orgueilleux, qui seraient immortels, dominants, pourrait faire beaucoup de ravages. Donc, si par exemple quelqu'un qui est un terroriste intégriste, que certaines croyances religieuses qu'il veut imposer au reste de l'humanité, puis la personne aurait la capacité de se guérir à volonté de cancer ou d'autres maladies, son corps physique immortel, bon, ben, elle pourrait faire beaucoup de ravages, surtout qu'elle pourrait pas être neutralisée dans son activité sur le plan physique. Est-ce qu'au niveau de l'esprit, il existe du hasard? La réponse, c'est non. La réponse aussi, c'est que le cancer s'inscrit dans une dynamique systémique. Une dynamique systémique qui est en relation avec un contexte involutif dans lequel l'ego se trouve, qui peut être propice à son émergence. Donc, aujourd'hui, le domaine de la science et de la technologie est en voie de développement. L'être humain apprend à maîtriser progressivement des outils technologiques, comme par exemple l'énergie nucléaire. Donc, c'est sûr que les gens qui ont été des pionniers comme Pierre et Marie Curie, par rapport, à ce qu'ils ont développé, puis eux autres se sont ramassés avec des problèmes de santé par rapport à la technologie qu'ils ont développée, ben l'exposition à des éléments radioactifs, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des protocoles de sécurité pour, par exemple, faire une radiographie ou utiliser du matériel radioactif, chose qu'il n'y avait pas autrefois. Donc ça, c'est l'être humain qui apprend à maîtriser certaines choses. Puis le manque de maîtrise de certains éléments amène le développement de cancer par la stupidité et l'inconscience de l'être humain, mais en même temps, la stupidité et l'inconscience de l'être humain n'est pas à blâmer. Dans le sens que si l'être humain ne peut pas contenir plus d'informations, ben il fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a. Puis si l'être humain n'a pas assez de contenance énergétique, ben il va développer les outils qu'il peut et non pas les outils qui l'empêcheraient de développer des problèmes de santé, le cancer. Même chose sur le plan médical, on développe des médicaments qui ont des effets secondaires ou des traitements. Prenons par exemple le cas de la chimiothérapie. Bon, ben c'est un traitement qui a pour effet d'amener, c'est sûr, par la suite, au lieu de s'attaquer juste à des cellules spécifiques, on s'attaque à plusieurs cellules, puis là, la personne a des effets secondaires, des gens vont avoir des vomissements ou autres. Bon, mais c'est en relation avec le fait que le traitement n'est pas assez spécifique, n'est pas assez ciblé. Mais éventuellement, avec la thérapie génique, ça sera plus ciblé dans le futur. Mais on est dans des situations de structure quand je regarde des choses en tant qu'ego, tu sais, je trouve ça aberrant. Parce que sans doute, comme moi, vous avez connu dans votre environnement des gens qui sont atteints du cancer ou qui vont l'être. C'est une maladie de plus en plus répandue en Occident. Ou peut-être même vous allez en vivre un. C'est ça, moi, je regarde ça avec mon ego, je trouve ça aberrant. Souvent, quand je discute avec l'esprit, ce qui va émerger, c'est sûr que c'est difficile pour moi, mais ça me donne un éclairage. Souvent, ce qui vient, c'est que ça peut pas être autrement par rapport à certains systèmes d'amener qu'il y a une grande quantité de la population qui a des cancers. Pour des problèmes de gestion de la technologie, l'ère industrielle, puis la gestion de la technologie qui s'est beaucoup développée dans les 150 dernières années, c'est nouveau. On n'a pas des corps physiques qui sont acclimatés avec le contexte de vie présent, étant donné que pendant des millénaires, nos corps physiques ont été habitués de vivre dans un contexte où il n'y avait pas autant d'abondance de nourriture. Donc, dans le sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids. Ensuite, c'est sûr que l'abondance de nourriture, dans certains cas, ça peut amener des tensions de l'organisme. Ça peut nuire. C'est comme quelqu'un qui prend trop de sucre, trop d'alcool, bon, cancer du foie, ainsi de suite. Mais quand que je regarde les choses avec l'esprit, je réalise qu'il y a toujours un système derrière quelque chose. Prenons par exemple le cas de... J'ai un de mes grands-pères qui est décédé du cancer du poumon. Lui, il avait été militaire, il avait fait la Deuxième Guerre mondiale et comme il ne voulait pas se ramasser au front, et puis je le comprends aujourd'hui compte tenu des informations à caractère historique que j'ai eu accès à travers une panoplie de documentaires que j'ai écoutés. Lui a fait la réparation là, de Jeep militaire, donc il était mécanicien. Puis c'est sûr qu'au front, ben, on a vu par la suite qu'il s'est passé toutes sortes d'horreurs et de cochonneries. Des choses qui n'avaient pas d'allure sur le plan éthique. Et puis, lui, il fumait la cigarette. Certes, dans le passé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc à la fin des années 1930, début des années 1940, ben les hommes, pour réguler le stress, à cette époque-là, ils ne parlaient pas de pratiquer la pleine conscience, de faire des exercices de respiration, inspirer 5 secondes, expirer. Il n'y avait pas non plus de téléphone intelligent, de tablette ou d'ordinateur sur lequel suivre une boule à l'écran pour inspirer, expirer, dans l'optique de réguler la respiration. De 10 000 rips. Il n'y a pas d'enregistrement non plus de d'auto-hypnose. Donc, pour diminuer la tension, ce que les hommes faisaient, souvent, c'était de boire de l'alcool ou fumer la cigarette. Donc, c'était la façon de réguler puis de gérer le stress. Puis c'est sûr, quelqu'un qui va à la guerre dans un environnement qu'il ne connaît pas, lui, c'est un Québécois qui se ramasse en Europe, ça peut être stressant. La peur d'être attaqué par l'ennemi, ainsi de suite. Donc, la façon de réguler, il n'y en avait pas 36. Il a fumé cigarette toute sa vie. Puis, il est mort du cancer des poumons. Par la suite, ma grand-mère, qui était sa femme, elle était exposée aux fumées secondaires et elle avait développé un cancer du poumon, mais elle n'est pas morte de ça. Mais ça a eu une incidence quand même sur sa santé, son exposition. Quand je regarde ça avec ma conscience, est-ce que ça aurait pu être autrement dans le sens que la science, la psychologie, pas la psychologie supramentale, mais la psychologie au sens cartésien, au sens conventionnel de l'époque présente, là, qu'il n'y a pas d'implication occulte. Là, prenons l'approche cognitivo-comportementale, une approche de régulation des émotions. C'était peu ou pas connu à l'époque. Donc l'information n'était pas là. Les alternatives qu'il y avait pour réguler son stress, bon, il avait fumé la cigarette, qui dans certains cas peut entraîner le cancer du poumon. Boire de l'alcool, s'il en prend trop, ben ça peut être une cirrhose du foie. Il peut développer de problèmes de foie. Ensuite, faire du sport. Bon, ça existait déjà. Il y en a qui faisaient de la boxe pour se défouler, extérioriser les tensions, mais il n'y a pas des milliers de façons de procéder. Ça m'amène à vous parler, à savoir, est-ce que la parole vibratoire, ça peut être un outil qui peut servir à diminuer les tensions énergétiques? Certes, ça peut être un outil qui sert à composer intelligemment par rapport à des tensions énergétiques, mais la parole vibratoire, lorsque la personne vit entre autres la colère mentale puis monte en vibration, c'est en relation avec une tension énergétique qui lui est imposée de la part de son esprit dans une optique d'activation. Est-ce que, comme effet pervers, cela peut occasionner des problèmes de santé, voire le cancer, certainement? Est-ce que la base de l'esprit, son intention, c'est que la personne, dans certains cas, ait le cancer? Pas nécessairement. Son intention, à la base, son principe premier, son modus operandi qui va amener à travailler un individu, c'est qu'il évolue. En santé ou pas. Tandis que l'ego, surtout quand il est sensible, il va vouloir être en santé. Mais est-ce que l'ego peut interférer sur l'activité de l'esprit, certes, au même titre que l'esprit peut interférer sur lui. Est-ce que l'ego peut imposer à l'esprit le fait que son corps soit en santé tout le temps? Tant que l'ego n'a pas horizontalisé son rapport à l'esprit, il ne peut pas le faire parce que c'est la vibration qui est la plus forte qui domine dans le cosmos. Or, si la vibration de l'esprit est plus forte que celle de l'ego, eh bien, c'est celle de l'esprit qui va avoir préséance comme intentionnalité, comme volonté sur celle de l'ego. Est-ce que l'ego peut contester de subir une maladie qui occasionne des problématiques de santé importantes, comme par exemple le cancer? Certes, l'ego peut contester ce qu'il vit. Si l'ego est contrarié par une maladie ou gêné dans son fonctionnement quotidien, l'ego, il peut contester l'esprit. L'ego peut obtenir des explications à travers l'intuition, communication intrapsychique de l'esprit sur la nature de sa maladie, la fonction qu'elle a dans sa vie. Mais si la volonté de l'esprit, c'est que l'ego soit malade et que l'ego n'a pas un taux vibratoire plus élevé que celle de l'esprit qui lui permet d'avoir une compréhension d'une vision aussi vaste, c'est la volonté de l'esprit qui va avoir préséance. Que l'ego l'accepte ou qu'il l'accepte pas, la condition que la maladie peut lui être imposée, puis si l'ego a une intelligence qui égalise celle de l'esprit, il peut en venir à une compréhension que, ouais, finalement, c'est intelligent que je vive ça. Là, en tant qu'ego, l'une des choses qui m'a le plus surpris il y a plusieurs années, c'est quand j'avais écouté la collection d'enregistrements de Bernard de Montréal de la psychologie évolutionnaire et que j'avais entendu Bernard qui disait que la maladie, parce qu'il était atteint du cancer là, des intestins, que la maladie qu'il vivait était intelligente. Ça voulait dire qu'il y avait une reconnaissance en tant qu'ego qu'il y avait une intelligence derrière sa maladie, puis la maladie aussi a eu différentes fonctions. Et c'est sûr que la particularité d'un ego, c'est de reconnaître les fonctions qu'a la maladie. La maladie peut servir à transformer l'individu, mais elle peut servir aussi à transformer son environnement. Donc si par exemple, il y a des gens dans l'environnement de Bernard de Montréal qui le mettaient sur un piédestal, parce que Bernard a dit publiquement à moult reprises, à plusieurs reprises, qu'il était un initié. Or, si quelqu'un dit qu'il était un initié, ben, il y a des gens qui pouvaient le voir un peu comme Jésus de Nazareth qui a initié le mouvement de la conscience christique à la surface de la Terre avec le principe « aimez-vous les uns les autres », entre autres, qui a amené à l'humanité, ou tout au moins qu'on lui a attribué. Bon, bien, si on voit Bernard de Montréal et non pas Jésus de Nazareth comme étant l'initié qui se rapporte à l'ère actuelle, bon, mais il y a des gens qui peuvent être fascinés par lui. Or, si l'être humain qu'est Bernard de Montréal est atteint d'un cancer, comme monsieur et madame tout le monde peut l'être dans sa vie, qui n'est pas exempté de ça, Bon, ben, il y a des gens qui vont arrêter de le voir là, comme quelqu'un d'immortel là, sur le plan physique. Mais ça se peut qu'il ait accès à une conscience immortelle, c'est-à-dire la conscience de son esprit qui est par-delà les lois biologiques et qui va même les influencer. Donc, il a accès à cette conscience-là multidimensionnelle, mais ça ne veut pas dire pour autant que même s'il a accès à cette conscience-là, que cette conscience-là va œuvrer en son sein pour faire en sorte qu'il n'ait pas le cancer, donc d'évitement d'une condition de santé. Ça, c'est un autre volet. C'est-à-dire que l'esprit, même s'il a la capacité de transformer un individu jusqu'à un certain niveau, ça ne veut pas dire que il va faire en sorte que la personne soit en santé totale. Parce que dans un sens, quelqu'un qui a un problème de santé chronique, prenons par exemple quelqu'un qui est atteint du diabète, ou prenons par exemple quelqu'un qui, avec des récidivistes, qui est atteint, il y a d'autres problèmes de santé chronique, là, des gens qui font des crises occasionnelles de psoriasis ou de lichen scléreux atrophique, qui est un problème de peau, qui peut revenir à plusieurs reprises. Bon, mais si quelqu'un a ça, l'esprit peut, à travers ça, ben à travers ça. En fait, si l'ego souffre de ça et il a besoin de réponse, ça ouvre un canal de communication avec l'esprit qui va chercher des explications. Donc, ça peut être un prétexte à la communication que la personne a un problème de santé récurrent qui l'amène à communiquer d'une manière récurrente avec l'esprit advenant qu'elle a besoin de compréhension liée à son problème de santé et sa fonction par rapport à sa vie ou aussi celle des autres, les gens de son environnement. Est-ce que l'ego peut éviter certaines conditions? La réponse, c'est non. L'ego peut résister à des conditions. Il peut être en déni, il peut vouloir ne voir pas clair, mais est-ce qu'il peut passer outre à certaines conditions qui lui étaient imposées? La réponse, c'est non. L'ego peut atténuer certaines choses. Tu sais, quelqu'un qui a un problème de santé, il peut consulter dans la médecine officielle, la médecine alternative. Mais est-ce que l'ego peut décider du jour au lendemain seul, sans fusion avec l'esprit, d'être exempté? Puis est-ce que l'esprit voudrait que l'ego soit, se rapportant à lui, soit exempté? Pas nécessairement. Donc, quand que je m'intéresse en tant qu'ego à la médecine d'une perspective psychologique, je vais écouter sur Internet, il y a beaucoup de documentation. J'écouterai entre autres sur Savoir Médio, auquel vous pouvez avoir accès gratuitement. C'est une télésérie avec des épisodes. Ça s'appelle De la scie au bistouri. Des épisodes qui ont été faits ici au Québec, c'est récent. C'est une série documentaire 2023. Donc, il y a une émission qui porte sur l'oncologie, puisqu'on parle naturellement des cancers, on donne des explications. Donc, on peut avoir un certain niveau d'explication, mais des explications, tant que c'est au niveau psychologique ou ça s'adresse à l'intellect, c'est toujours relatif. C'est pas des explications absolues. Et l'individu qui est en contact avec l'esprit peut avoir accès à une explication absolue, mais en même temps, il peut être désinformé par l'esprit. Fait que là, on tombe dans des situations particulières parce que l'esprit, certes, peut avoir accès au savoir, mais il n'y a pas nécessairement intérêt à ce que l'ego ait accès simultanément au savoir dans le même délai de temps, car l'esprit va chercher à un certain niveau à amener des chocs à l'ego, mais pas nécessairement trop. Puis c'est en fonction de la contenance de l'ego. L'esprit ne fait pas ce qu'il veut avec l'ego à 100%. Parce qu'on peut voir l'esprit comme étant un manipulateur, certes. Mais la dynamique relative au plan physique a un certain niveau d'imprévisibilité. Même au niveau de l'esprit, parce que l'esprit peut penser que quelqu'un va réagir d'une certaine façon par rapport à une maladie ou l'annonce de telle information, mais ça se passe pas nécessairement tout le temps. La réponse, c'est qu'on est l'esprit comme l'ego, comme les cellules qui composent l'être humain, sont impliqués dans un système qui est complexe. Mais il y a des programmations qui sont opérationnelles, qui vont faire en sorte que, par exemple, quelqu'un va développer un cancer après un certain nombre d'années. La personne peut tendre vers ça par rapport à une programmation physique liée à sa génétique, liée à ses habitudes de vie, mais liée aussi à son statut initiatique. Le propre du niveau initié, c'est de passer à travers toutes ses peurs. L'une des peurs, c'est de se ramasser tout seul. Un autre des peurs, ça peut être de manquer d'argent. Un autre, c'est d'être atteint d'une maladie grave comme d'un cancer. Un autre, c'est d'être témoin d'une fusillade, d'un acte terroriste, ainsi de suite. Donc, l'esprit va chercher à amener l'ego à travers certaines situations, à certains événements, de triompher des peurs. Et la meilleure façon de triompher d'une peur ou d'un élément qui est retardataire, qui hypothèque le fonctionnement optimal de la conscience en corrélation avec l'esprit, ben, c'est d'être capable de confronter ses peurs. Or, l'ego va souvent être dans l'évitement relationnel. Mais être malade, c'est pas juste la confrontation de peur, là. Il y a d'autres éléments qui sont en relation avec ça. Ça peut être une conséquence à l'exposition de certaines énergies, comme par exemple de l'énergie qui est radioactive. Des fois, je parle d'un sujet, j'essaie d'y aller à fond, hein, de voir, puis là, je reçois des idées, ça dure une minute, deux minutes, trois minutes, 20 minutes, 40 minutes. À un moment donné, ça ralentit, à un moment donné, ça disparaît. L'esprit me dit, ben, je pourrais passer ma vie à essayer de comprendre, par exemple, pourquoi quelqu'un va développer un cancer plutôt qu'un autre. Je pourrais réfléchir à ça, puis même si je le faisais, je passais 40 ans... ou 50 ans, étudier ça, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations en matière de cancérologie. Je pourrais le faire psychologiquement, mais j'aurais jamais la totalité de la réponse parce que le réel est vaste. Puis c'est lié à des enchaînements multisystémiques. La meilleure chose que l'ego peut faire, c'est composer avec l'événement de nature multisystème en ayant une stabilité psychique qui permet de conserver sa liaison avec l'esprit pour garder un mental centrique. La maladie peut être une occasion pour l'ego de développer des forces qu'il ne soupçonnait pas, de monter en puissance vibratoire. Mais tout ça, c'est subtil, hein? Parce qu'il y a des égos qui se sentent faibles, qui ont une faible estime de soi, que l'esprit va les manipuler pour les amener en puissance. Puis il y en a d'autres qui naissent déjà en puissance avec des principes très expansifs en eux. Au contraire, il faut diminuer l'expansion pour les amener à être plus en état de contraction. L'esprit travaille l'ego pour qu'il soit ajusté à ce qu'il a à faire dans sa vie, selon sa programmation, remplir son mandat. Et parfois, la maladie sert à équilibrer l'ego. Sert à équilibrer l'ego dans le sens que s'il y a un mouvement trop expansif, de le diminuer. Donc, quelqu'un qui se prend pour un autre, puis finalement, la personne est malade comme tout le monde, ben, elle ne peut plus être orgueilleuse en disant qu'elle est au-dessus de la maladie. Puis alors, par exemple, quelqu'un qui est guérisseur, puis il va dire qu'il est capable de guérir tout le monde, que ce soit dans la médecine parallèle ou la science officielle, puis la personne s'enorgueillit de ça, puis elle-même est confrontée avec une maladie qu'elle n'est pas capable de guérir, ben, la personne est obligée de reconnaître ses limites. En fait, l'ego est obligé de reconnaître qu'il ne contrôle pas tout. C'est sûr que c'est difficile, un ego, de reconnaître qu'il ne contrôle pas tout parce que ça l'amène, dans certains cas, à vivre de l'insécurité, à vivre de la peur. On peut chercher à contrôler l'information par rapport au cancer ou d'autres maladies en se documentant beaucoup sur Internet, mais c'est pas parce que, dans le fond, on se documente beaucoup sur un sujet que ça veut dire qu'on n'attrapera pas le cancer. En fait, c'est des cellules qui deviennent cancérigènes liées à des mutations anormales. Ça ne veut pas dire qu'on n'en vivra pas. L'ego qui est conscient réalise que toutes les formes sont transitoires. La forme du corps biologique, ça donne une durée de vie pendant une certaine part de temps. Et l'esprit voit ça comme une porte d'opportunité, le corps physique, dans l'optique de s'allier davantage à l'ego pour former une unité de conscience de plus en plus viable avec le temps. Donc, le corps physique, c'est une forme d'instance médiatrice entre l'individu et l'esprit. Et ce qui compte pour l'esprit, c'est l'intégration des charges énergétiques que l'ego peut contenir pour être capable de contenir pleinement sa présence en son sein. Tant que l'ego existe sur le plan physique, à travers un corps, l'ego est travaillé par l'esprit. L'esprit, il faut le voir un peu comme quelqu'un qui va faire de la sculpture. Bon, ben, le sculpteur qui sculpte une création, donc prenons par exemple quelqu'un qui va faire une sculpture d'un individu, ben, tant que la statue est en travail sur le plan physique, ben, tant que l'individu existe sur le plan physique, certes, il y a des gens qui... leur programmation va prendre fin prématurément en tant qu'ego, mais ça, c'est en lien avec des interférences astrales qui sont de nature différente des interférences de l'esprit. Parce que l'astral interfère sur l'individu, l'environnement, les gens, l'esprit. C'est subtil parce que l'esprit cherche à interférer à l'individu alors que l'individu est déjà confronté de multiples influences et dont certains qui vont à l'encontre de l'esprit. Mais au niveau de l'esprit, dans certains cas, prenons par exemple le cas de quelqu'un qui est atteint d'un cancer, dans certains cas, c'est intelligent que la personne fasse de la chimiothérapie ou des traitements dans l'optique de guérir. Mais au niveau de l'esprit, dans certains cas, ça se peut que non. Mais comment faire la distinction entre les deux? Ben, c'est du cas par cas. C'est en fonction de... En fait, la conscience est individuelle. C'est en fonction de chacun ce qu'il a besoin de vivre ou pas. Avoir une attitude psychologique, s'attacher à la forme de la santé à tout prix, c'est pas un signe d'intelligence. Chercher à éviter continuellement la maladie non plus. Puis chercher à être malade par inconscience, c'est pas un signe d'intelligence non plus. Tout ça, c'est subtil, hein? Parce que dans certains cas, d'être atteint d'une maladie, ça peut être intelligent dans la vie d'une personne. Puis la même maladie au sein de la vie d'une autre personne, ça ne l'est pas. Pourquoi? Ben, c'est leur mandat, leur fonction, puis qu'est-ce qu'ils ont ajusté dans leur vie. Qu'est-ce qui est à ce moment-là intelligent à faire pour l'individu? C'est de composer avec sa voix intérieure, l'esprit intelligemment, être solide dans le mental, composer avec l'environnement, voir s'il a amené certains combats ou pas, pour préserver sa santé ou pas. C'est propre à chacun. Que ça me dit par rapport à l'évolution de la médecine? La médecine va individuer son rapport à l'individu avec des traitements de santé. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir un protocole de chimiothérapie, que c'est le même protocole, peu importe la personne, bien, progressivement, on cible mieux ça, que ce soit la personne en fonction de l'âge, la personne à 70 ans, la personne à 40 ans, ou c'est un enfant de 4 ans, c'est pas pareil. Mais ça va être encore plus subtil avec le temps. À mesure que les gens s'individualisent, puis à mesure que la façon d'utiliser la médecine va être individuée, et que les traitements vont être ciblés. Ce qui m'apparaît dans le mental, c'est qu'éventuellement, l'analyse et le décodage génétique d'une personne va permettre d'identifier d'une manière spécifique à lui, un peu comme quand on fait, par exemple, une prise de sang. Bon, ben, on sait c'est quoi son type sanguin. Bon, ben, au niveau génétique, on va pouvoir analyser, en fonction de la nature de ses cellules, de son code d'ADN, certaines protéines, et en relation avec ça, faire un traitement spécifique à un individu donné qui va prendre en considération sa composition spécifique d'ADN pour traiter certains problèmes de santé, dont le cancer. Donc, on peut parler d'une thérapie génétique pour traiter le cancer, éventuellement. Mais l'individu ne doit pas attendre après la science pour être en santé ou d'agir s'il est en santé dans l'espoir qu'il va y avoir des traitements miracles dans l'avenir ou plus perfectionnés avec la science conventionnelle. Il doit agir maintenant en fonction des moyens auxquels il peut avoir accès s'il y a la vibration d'agir à ce niveau-là. Et ça, c'est propre à chacun. Bien entendu, en tant qu'individu, je ne dis pas quoi faire ou ne pas faire, car je ne suis pas médecin. Et dans la civilisation dans laquelle je me trouve, c'est le médecin qui a l'autorité de faire une prescription médicale pour un traitement, pour de la médication, et ainsi de suite. C'est une tâche qui est réservée. Je peux juste faire des considérations en lien avec, par exemple, le cancer ou la santé. Ce que ça me dit, c'est que le cancer est en relation avec une faille de programmation de la matière. La matière, de la réalité physique, la réalité biologique. En fait, c'est inhérent au fait que les êtres sur le plan biologique, c'est des êtres transitionnels. Or, s'ils sont transitionnels, c'est qu'il y a des imperfections. Est-ce que les êtres de l'avenir qui vont être travaillés davantage par la conscience, qui vont être ajustés vibratoirement, vont avoir moins de cancer? La réponse, c'est oui. D'ailleurs, les êtres, à mesure qu'ils se conscientisent, qu'ils deviennent sensibles à l'environnement, ils vont réaliser, sans avoir trop à souffrir, que, par exemple, être exposé à de la radiation, c'est pas bon pour des cellules. Quelqu'un qui est peu sensible, il peut se mettre la main sur le rond-poil puis il va souffrir. Tandis que si la personne est très sensible, il approche sa main du rond-poil, il détecte la chaleur. La personne est présente de corps et d'esprit, elle perçoit clairement le signal, elle ne met pas la main sur le rond-poil. Tandis que l'autre qui est distrait, il parle, il réfléchit, il est présent de corps mais pas d'esprit parce qu'il pense à ses vacances qu'il veut faire en Floride. Bon, mais ça se peut que malencontreusement, il mette sa main sur le monde-poil puis il se blesse. Tandis que l'autre qui est présent le corps et l'esprit parce qu'il est dans un état de vide mental ou qui est dans un état de réception intra-psychique de la conscience de l'esprit en son sein, puis l'esprit lui donne l'information que stop, parce que si tu mets ta main sur un poil, ta main brûle. Bon, mais il y a eu le signal intérieur. Il n'y a pas eu besoin nécessairement de mettre la main sur le monde-poil ou même d'être... Les personnes peuvent quand même à bonne distance puis de ne pas être exposées à la chaleur puis il a intercepté le signal. La régulation vibratoire peut empêcher ça. Mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'esprit se sert des chocs. Fait que dans certains cas, l'esprit peut laisser la personne volontairement mettre sa main sur le rond-poil pour qu'il mette en colère mentale, pour que la personne conteste l'esprit, pour que lui dire « Pourquoi que tu me fais vivre ça? » Pour que la personne soit dans un état énergétique un peu plus élevé. Puis là, l'esprit va trouver ça intéressant parce que ça ouvre la communication avec lui. Ça attire l'attention de l'individu qui va s'intérioriser. Il va avoir une communication télépathique avec l'esprit. Puis l'esprit va lui dire, tu m'écoutais pas, tu étais en mode réflexion. Non, c'est pas vrai. Il va pas dire ça parce que c'est-à-dire que si la personne est en mode réflexion puis des ajustements à faire, l'esprit peut laisser la personne se mettre la main sur le rond-poil pour l'ajuster. Mais ça se peut que la personne ne soit pas dans une activité active de réflexion, mais passive de basse vibration dans un continuum énergétique qui le lie à l'astral. Puis pour mettre fin à ça, il va laisser vivre l'événement de mettre la main sur le rond-poil. Ou de vivre le cancer. C'est subtil parce que l'esprit peut percevoir que si une personne, pendant un nombre X d'années, continue à fumer la cigarette, il va développer le cancer. Sauf que si l'esprit cherche à amener la personne à attirer son attention sur lui, puis l'individu ne le fait pas d'une manière volontairement, il n'écoute pas le signal intérieur, il peut laisser la situation se dégrader pour qu'éventuellement, lorsque la situation est suffisamment dégradée, la communication s'enchaîne avec lui. Mais c'est pas parce que la personne vit une communication télépathique suite au fait qu'elle a appris qu'elle avait le cancer, puis là, soudainement, elle devient plus ouverte, d'esprit, que ça veut dire que pour autant, elle va guérir du cancer. Parce que le cancer peut certes servir à établir une communication entre l'individu et l'esprit, s'intérioriser, s'ouvrir aux médecines alternatives, au paranormal, au domaine des guérisseurs, si la médecine conventionnelle ne donne pas un succès, un rétablissement après un certain laps de temps. Mais le cancer a une autre fonction dans la vie de la personne ou dans la vie de l'environnement de la personne. Et là, il y a une fonction occulte que j'aborde en fin d'enregistrement parce qu'elle est un petit peu délicate. Je vais vous en parler parce que ça peut être le cas de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accompli ce qu'ils devaient accomplir sur Terre. Ils ne sont pas là pour faire du temps sur Terre non plus comme des prisonniers. Là. Ils ne sont pas là à vivre éternellement sur Terre. Et dans le fond, être atteint d'une maladie grave comme d'un cancer, ça peut être une porte de sortie politiquement correcte pour un initié lorsqu'il a complété son mandat pour changer de plan à travers la maladie. Donc autrement dit, si la personne a véhiculé un certain nombre de conscience de la conscience à un certain nombre de personnes pendant un certain nombre d'années pour activer ce qu'on appelle une roue énergétique, c'est-à-dire activer des gens qui peuvent être le vecteur de la vibration par la suite. Donc, un instructeur qui va former d'autres instructeurs qui éventuellement vont former d'autres instructeurs, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui est un instructeur supramental. Si le rayonnement de sa parole amène des gens à être altérés sur le plan psychique, il y en a peut-être une centaine, 2000, puis par la suite, ces 2000 personnes-là vont altérer psychiquement 2000 autres personnes, bon, mais il y a une dimension d'une roue exponentielle qui est mise en place. Est-ce que la personne qui initie ça et qui est incompréhensible, qui n'est pas en mesure d'être comprise à 100% par les gens de son environnement parce qu'ils n'ont pas le même statut vibratoire, ils ne peuvent pas compter le nombre de chocs, puis d'une certaine façon, la personne qui est totalement consciente puis qui n'a pas d'interlocuteur sur le plan physique parce qu'elle est toute seule à vivre ça, bien, c'est une forme d'ennui dans le sens qu'il n'y a pas de réciprocité psychologique qu'elle peut, psychique, pardon, qu'elle peut établir de manière absolue avec des gens de son environnement. Donc, est toujours en tension avec les gens de son environnement, dans le sens que si la personne vibre à 100% puis est en contact avec quelqu'un qui vibre, disons, à 80% de son plein potentiel, ben, il y a une lourdeur. Le 20% qui manque crée une lourdeur, dans le sens que sa vibration de l'autre qui manque d'ajustement, certes, quelqu'un qui vibre à 80% plutôt que 40% ou 20%, c'est plus agréable dans l'environnement, mais il y a toujours une lourdeur énergétique à la côtoyer. Or, la personne qui vibre à 100% puis qui côtoie des gens, bon, les gens dans la rue qui vibrent à 20-30%, c'est pas agréable. Ensuite, les gens qui vont à ces séminaires ou à ces conférences qui vibrent un petit peu plus élevés, avec les années, pas les curieux qui commencent à y aller là, une première fois ou deuxième fois, mais les gens que ça fait 10, 20, tant qu'ils vont, bon, il y en a qui vont rehausser le taux vibratoire, tout dépendant des cas, puis tout dépendant de leur fonction. Il y a des gens qui vont passer de 40 à 41, puis c'est bien correct. Il y en a d'autres qui vont passer de 40 à 60, 40 à 80, et ainsi de suite. Mais si la personne n'a pas la capacité d'avoir un interlocuteur au même niveau, est plafonnée au niveau du savoir qu'elle peut avoir, puis elle a l'impression d'être un professeur dans une cour de récréation, alors qu'il y a un doctorat, puis il appartient à une autre forme de civilisation. Donc, quelqu'un qui appartient à une conscience éthérique, puis la personne vient ici faire un mandat, un peu comme, par exemple, vous avez des soldats qui ont été canadiens, qui ont été en Afghanistan temporairement. Ils ont été là pour surveiller des endroits, pour que il y ait une stabilisation de certaines zones, mais pour eux autres, c'était pas un mode de vie, c'était de faire ça temporairement en vue de faire d'autres choses. L'initié, c'est un petit peu le même principe. Il fait ce qu'il a accompli sur Terre, ensuite, il passe à un autre plan de réalité. Il est pas là pour faire du temps comme un prisonnier. Et à ce moment-là, le cancer n'a pas une fonction que s'il est atteint d'un cancer, bon, ben les gens vont le désacraliser. Ils verront pas lui à travers lui un médecin ou quelqu'un, un messie ou quelqu'un qui doit idéolâtrer. L'autre fonction du cancer, ben, c'est une porte de sortie politiquement correcte. Donc, autrement dit, la personne, si elle meurt du cancer, elle meurt comme tout le monde, c'est correct. Tandis que si la personne, au bout de son mandat, elle quitterait son corps, ça créerait une fascination spirituelle ou une mort style la personne se dématérialise. Ça créerait un choc psychologique pour beaucoup de gens. Ça mettrait la personne aussi qui connaîtrait ça dans une espèce de rôle de divinité, de maître spirituel. Ça mènerait des mystifications qui ne sont pas nécessairement souhaitables de sa personne. Ça créerait de la fascination. Or, le but de l'initié, c'est pas que les gens soient fascinés par sa personne, c'est de présenter un message au sein de l'humanité qui va ajuster des gens qui ont une capacité, compte tenu du contexte, d'intégrer l'information et de s'ajuster davantage. C'est ça le rôle de l'initié. Bref, quelqu'un qui a accompli ce qu'il a accompli dans certains cas de mourir d'un cancer, c'est plus intelligent que la personne on apprend qu'elle est morte puis elle s'est suicidée. Parce que si on apprend qu'elle est morte puis elle s'est suicidée, ben il y a des gens qui vont vibrer à la tristesse, vont dire ben moi ouais, l'instruction qu'il a donnée ça tient pas la route, il est mort d'un suicide. Donc les gens comme sont attachés psychologiquement, c'est tout ou rien entre la personne et son instruction, vont dire ouais, l'instruction d'un tel, toutes les conférences, les enregistrements qu'il a fait sur le web. Ouais, s'il s'est suicidé, il a été récupéré par l'astral. On dit que si la personne se suicide, ça veut dire qu'il est automatiquement récupéré par l'astral. Certes, les entités astrales peuvent amener des gens au suicide. Certes, les entités astrales peuvent amener des gens à être atteints au cancer, mais c'est pas parce que quelqu'un met fin à sa vie. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les gens qui vont mourir dans la dignité en Occident. Prenons par exemple le cas de la province du Québec. Bien, aujourd'hui, quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable, c'est toléré, c'est accepté socialement de plus en plus qu'elle puisse demander de mourir dans la dignité avec une injection létale pour éviter la souffrance. Donc, quelqu'un qui va mourir de cette façon-là, aujourd'hui, socialement, c'est de plus en plus acceptable, mais au niveau de l'esprit, c'est acceptable en fait depuis longtemps. Ou de mourir au niveau physique, c'est-à-dire quitter le corps physique. C'est-à-dire que la conscience qui a accompli ce qu'elle devait accomplir, puis elle a connu les changements énergétiques qu'elle devait vivre, ou elle a participé à faire vivre des changements énergétiques à des gens de l'environnement, mais comme on dit, les graines sont semées, puis qu'elle passe à autre chose, à ce moment-là, il y a de l'intelligence. Mais ça, ça peut être difficile à accepter pour l'ego. Donc, dans un certain niveau, on peut dire que quelqu'un qui est atteint d'un cancer puis une conscience initiatique, ça lui dirait de pas nécessairement d'aller de l'avant avec les traitements chimiothérapie ou autre dans l'optique de combattre le cancer. Dans certains cas, c'est pas le cas tout le temps, je fais des nuances très importantes, ça peut être en relation avec un scénario d'exfiltration, donc de faire sortir d'un système évolutif une conscience qui ont intégré ce qu'elle avait intégré ou faire ce qu'elle avait à faire avec le système évolutif pour l'amener un petit peu plus loin, pour passer à un autre niveau de réalité. En fait, la Terre, c'est une planète école. C'est pas normal que quelqu'un reste ici éternellement. Prenons, par exemple, la première année du primaire par rapport aux écoles québécoises. Bon, ben quelqu'un qui resterait éternellement en première année, ça serait ennuyeux. La personne, elle stagne sur le plan développemental. Elle a un moment donné, elle sature. Tu sais, tout le temps apprendre les bases du français ou des mathématiques, c'est de redondant. Donc, la personne a appelé à autre chose. Sur le plan vibratoire, c'est la même chose, non pas en fonction de la forme, mais en fonction de l'énergie. C'est-à-dire que la personne qui a atteint une optimisation d'un niveau de contenance d'énergie par rapport à un corps biologique donné, à une époque donnée, en relation avec un contexte socio-culturel donné, lorsque l'optimum est atteint, de ce qu'elle peut intégrer ou faire intégrer à l'environnement ou un mélange des deux. Parce que l'individu peut ajuster l'environnement au même titre qu'il peut être ajusté par lui. À un moment donné, vient le temps de passer à autre chose, de changer de plan. Et si l'individu a une sensibilité puis une intelligence par rapport à l'esprit, il va comprendre l'intelligence de changer de plan quand c'est le temps. Mais tout ça, c'est subtil et c'est délicat parce que dans certains cas, il y a des gens qui sont très ajustés vibratoirement qui vont demander de mourir dans la dignité, donc l'euthanasie, puis dans certains cas, d'autres non. Donc ça dépend. Si c'est un mouvement qui suit une vibration, c'est un mouvement en réaction avec une peur, la peur de souffrir, Tu sais, il y a plusieurs choses. C'est très, très, très, très complexe, ce type de sujet-là. Et très délicat. Mais pour en revenir à la question du cancer, qui était le sujet que je vous ai abordé en priorité dans le cadre de cet enregistrement, en fait, le cancer, comme différentes maladies, ça revient à dire qu'il peut avoir des fonctions multiples selon les différentes personnes, puis tout est reçu selon la forme du récipient, selon la psychologie de l'individu. Il y a des gens qui vont être plus déprimés que d'autres d'apprendre qu'ils ont un cancer. Ça dépend du contexte. Tout ça pour dire que souvent, ce qui est difficile à accepter pour l'ego, c'est la dimension qu'un volet de sa vie lui échappe. Il n'est pas en contrôle, comme mentionné tantôt. Mais l'ego ultimement a accepté que la vie ne contrôle pas totalement. Certes, il peut contester l'esprit. Certes, il peut chercher l'esprit à s'ajuster davantage par lui, à davantage le respecter. Oui, il peut avoir des ajustements vibratoires parce que l'esprit peut être mis en vibration par l'ego qui a été préalablement mis en vibration avec lui. C'est un continuum énergétique. L'ego reçoit une énergie très puissante qui lui crée un choc. Cette énergie-là lui donne une puissance d'occasionner des chocs vibratoires dont certains qui peuvent réajuster l'esprit à un certain niveau. Mais tant que l'ego n'est pas parfaitement ajusté à l'esprit, c'est la programmation de l'esprit qui s'ajuste. Puis quand l'ego a une conscience égalisée à celle de l'esprit, bien, il réalise l'intelligence de la programmation de l'esprit. Donc, il fonctionne en harmonie avec lui puis il n'est plus dans une dynamique de la contestation. Donc, tout ça, c'est subtil. Mais que l'ego, qu'il soit malade ou pas malade, ce qui est intelligent, c'est de se donner des plaisirs de vie, se permettre d'être heureux. Ben, heureux ici, dans le sens, non pas de vivre des montagnes russes émotionnelles qui nous lient au plan astral, mais d'être capable d'être bien en sa peau. De pulser un état énergétique qui est par-delà la réflexion. L'ego, quand il est spirituel, il cherche à guérir ou faire guérir les autres à tout prix. L'ego qui est conscient, il cherche à se mêler des affaires puis laisser les autres en faire autant. Agir sur la vibration d'agir en relation avec la vie des autres. Ou de ne pas agir sur sa vie s'il n'y a pas la vibration de ne pas agir. Suit le mouvement énergétique. Bon, sur cette considération, je vais vous laisser. Ça fait au-dessus d'une heure que je parle dans le cadre de cet enregistrement. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.